on my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique ici à CKIA FM 88.3 à Québec. Une autre grosse émission pour nous cette semaine, comme à notre habitude, avec Monsieur Andrew Castegan. Salut Andrew. Bonjour. Ça va bien? Comme toujours, prêt à l'attaque. Excellent. Et on va parler principalement de nouvelles cette semaine, mais aussi on va voir Monsieur Diego Lamana, notre collaborateur qui étudie le jeu vidéo, mais qui va aussi nous parler finalement de l'univers du jeu, d'une vision, finalement une vision externe et plus élargie de l'univers ludique du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il va nous parler de deux livres. On va le rencontrer rapidement tout de suite après la première chanson. Mais avant toute chose, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos anciennes émissions, des podcasts, de l'information et évidemment nos adresses pour nous contacter si vous avez des projets à nous offrir pour qu'on aille vous voir pendant vos événements geek ou venez nous parler de vos événements à l'émission. On est toujours prêt à vous accueillir ici à CKIA. Il y a aussi évidemment le Facebook, donc Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement et vous pouvez nous aimer parce que nous, on vous aime. Et il y a aussi le site internet de CKIA, donc le CKIAFM.org, où vous pouvez écouter nos émissions en direct et aussi acheter votre carte de membre, un petit 20$ pour encourager la station et aussi votre mission préférée, Puissance Maximale. Et bien évidemment, comme à notre habitude, on commence en musique avec de l'excellente musique. On va y aller avec les Colocs et la chanson Dédé. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Juste en bas de chez moi sur la rue Mont-Royal, il y a un petit gars, il n'y a pas de bicycle. Mais il y a une mère, mais c'est pas sa mère. Puis son père, c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois, elle a l'autre mère qui est pas plus sa mère. Elle vient le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie. À part la folie, waouh, waouh, waouh, wow, dédé, dédé, dédé, dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour devenir honnête. Chasse les démons qui rentrent dans ta tête. Hey! Jour à 7h du matin, j'entends des cris de Dédé. Je pense que Dédé c'est un fils de putain. On le traite comme un chien. Y a l'autre sous l'ombre qui gueule après lui. Une chance qu'il est pas là l'après-midi. Ça fait que Dédé va jouer dans ruelle avec les poubelles. Wow wow wow wow Dédé, Dédé, Dédé, Dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Hey! Entre deux couvertes puis son vieux toutou. Enfin le monde est doux. je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour après cette magnifique chanson d'Écoloc et Monsieur Normand Lamour qui nous présentait. Et on est en ligne avec Monsieur Diego Lamana, notre collaborateur. Comment ça va, Diego? Très bien, et toi, Michael? Toujours bien, toujours bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de littérature, parce que les geeks sont habitués de lire à l'écran souvent, et les carnets de jeux pour les jeux de plateau. Mais il y a aussi des livres, et tu vas nous parler de livres qui concernent l'univers du jeu vidéo. Oui, je vais vous parler de deux livres importants de l'histoire du jeu vidéo. Un qui a été publié récemment en 2010, et l'autre qui a été publié près de 10 ans en 2001. Donc, deux livres qui traitent à peu près de la même période. Et je crois le premier dont tu voulais nous parler, c'était Ultimate History of Video Games de Stephen Kent, celui qui est plus vieux, là, qui a été édité en 2001. Oui, absolument. Donc, c'est ça, c'est un livre le livre d'un journaliste. Donc, les deux livres desquels je vais vous parler, c'est deux livres qui sont beaucoup plus des livres avec une démarche journalistique qu'une démarche historique. Donc, la lecture est beaucoup plus facile. Diego, on t'a perdu. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah bon, on vient de te revoir. Excuse-moi, on t'a perdu un petit peu. Donc, oui, qu'est-ce que tu disais? Je parlais que les deux livres avaient une vision, les deux avaient une approche journalistique plutôt qu'historique, donc ce qui permettait une lecture beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée qu'un livre d'histoire. Pour Ultimate History of the Video Games de Stephen Kent, il porte beaucoup d'emphase sur les années 70 et 80. C'est très anecdotique, il y a beaucoup de commentaires, de citations des auteurs et des designers de l'époque, surtout sur l'époque pinball arcade et l'âge d'or d'Atari. Mais là, est-ce qu'on va s'attarder dans ce livre-là directement seulement aux faits, ou on a quand même une exposition du contexte du développement de l'industrie à l'époque? C'est très anecdotique. Donc oui, effectivement, il va y avoir les faits, mais c'est toujours ponctué de blagues des designers, de c'est quoi le contexte de création, comment les jeux ont été conceptualisés, d'où viennent les idées, par exemple, de Space War et d'autres jeux, et aussi dans quelles conditions les designers avaient à travailler dans les années 70 et 80. Mais Stephen Kent, en fait, c'est un journaliste. Est-ce que c'est un journaliste qui se spécialise dans l'univers du jeu vidéo, du jeu plus en général, ou c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à ce sujet-là parce que ça l'intéresse spécialement là? C'est pas sa spécialité journalistique? C'est un peu sa spécialité journalistique. Il est journaliste. C'est un journaliste américain. Qui fait les nouvelles technologies et les jeux vidéo là, dans plusieurs médias, dont MSNBC et le Los Angeles Times. Mais c'est surtout un passionné, c'est un geek de jeux vidéo. Lui, il a grandi dans les années 70, donc il a grandi avec l'Atari et par la suite le Nintendo. Donc il a suivi toute l'évolution du jeu vidéo en tant que jeune geek. Toi, dans ce livre-là, tu me parlais justement de faits anecdotiques, de trucs rigolos, là, parlant du contexte de l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as plus accroché, toi, dans ce livre-là, qui t'a fait plus sourire que les autres? Stephen Kent a une emphase vraiment importante sur l'arrivée de Nintendo aux États-Unis et par la suite les combats avec Sega. Donc ça devient très piquant les anecdotes par rapport aux poursuites qui s'est passées et les auditions devant le Sénat que Nintendo et Sega ont dû subir en 1994. OK, parce que oui, c'était à ce point-là, c'était par rapport à leur guerre, à leur concurrence sur les marchés, ou parce qu'il y a vraiment eu des coups bas qui se sont faits au niveau business? C'était des coups bas au niveau moral. En fait, Nintendo avait dit que Sega n'était pas moral, surtout par rapport au jeu Mortal Kombat, le premier, où on voyait du sang gicler. Ah, c'est vrai, sur la version Genesis, ouais. c'est là qu'on avait justement, on pouvait voir le sang, contrairement à la version, je pense, Super Nintendo qui avait été censurée. Oui, je savais pas que c'était à ce point-là. Faut dire qu'à l'époque, puis même jusqu'à l'époque, PlayStation, la première PlayStation, je me rappelle de certaines publicités de Sony avec Crash Bandicoot, où c'était assez cru, puis c'était vraiment contre le concurrent. Je savais pas que Sega et Nintendo en étaient arrivés là dans leur concurrence. Puis de toute façon, on sait que c'est facile d'accuser quelqu'un de pas être moral aux États-Unis puis de se ramasser justement en commission. On se rappellera aussi dans les années 80, il y avait eu une commission avec la femme de Al Gore par rapport à la musique métal. Ben, ça m'étonne à peu près pas à ce niveau-là. Très intéressant. Ça va être un livre à mettre sur ma table de chevet, ce petit livre-là, justement parce qu'on est quand même, toi puis moi, je pense qu'on a à peu près le même âge, puis on a vécu cette concurrence-là, Sega Nintendo. Oui, on l'a vécu un peu naïvement en tant que jeune consommateur, donc c'est intéressant de revoir qu'est-ce qui se passait dans les grandes compagnies, parce que c'est les acteurs de l'époque qui se sont confessés aux deux auteurs. En fait, les deux livres ont la même démarche, si on veut. Là. Ils se basent beaucoup sur des rencontres, sur des entretiens avec les acteurs de l'époque. Puis pour le deuxième livre, c'est un livre qui s'appelle Replay, qui est écrit par M. Tristan Donovan, édité en 2010. Et est-ce qu'on a un peu affaire au même genre de journaliste dans ce cas-ci? Oui, c'est un texte un petit peu plus lourd que le premier. Le premier, comme je disais, il y a beaucoup de citations, donc c'est un peu de texte, un commentaire ou une confession, si on veut, là, de une petite histoire un petit peu amusante d'un designer. Replay va être beaucoup plus suivi. Un long texte. Les deux, c'est environ des livres de 400 pages pour donner une idée. Mais c'est encore une vision, c'est encore assez léger, vision journalistique, beaucoup d'entretiens. Par contre, Donovan, c'est un journaliste, tout comme Ken, c'est un journaliste mais britannique, aussi spécialisé dans les nouvelles technologies, les jeux vidéo pour The Guardian, et il est aussi passionné de jeux vidéo depuis les années 70. Ce qu'il propose, par contre, c'est une vision plus large de l'histoire du jeu vidéo, beaucoup moins américo-centriste. Et il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés aux jeux vidéo en Europe, en Australie, mais aussi au Japon, évidemment. Moi, j'avoue que nous, on a grandi quand même là-dedans. Justement, on en parlait tantôt là, avec la génération Nintendo et tout. Mais on n'a pas vu ce qui s'est passé. On n'était pas à l'affût. On était de simples enfants qui jouaient. On savait pas que c'était une business en arrière de ça. Puis effectivement, il y avait quelque chose qui se passait en dehors de l'Amérique du Nord. Et j'avoue que l'Australie, ça m'intrigue. Justement, en Europe, on n'entend pas souvent. Puis même encore aujourd'hui, à part les dates de sortie de certains jeux, ce qui se passe dans l'industrie, les tendances, c'est moins connu un peu. J'avoue que ça doit être très intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque dans le développement de ces jeux-là. Mais ça nous parle du développement. Est-ce qu'on parle un peu d'autre chose que des consoles? Est-ce qu'on parle de PC, par exemple? Oui, c'est ça. Donc, Donovan va parler beaucoup plus du PC, surtout les balbutiements là, du jeu PC, tandis que Kent, le premier, lui, se concentre davantage sur les consoles, mais il passe par le PC aussi. C'est sûr que si on est plus intéressé par le PC, Donovan va mieux couvrir le replay, va mieux couvrir ce qui s'est fait sur PC là, dans les années 80. Mais 90, replay va aller plus long aussi, va se rendre jusqu'à dans les années au début des années 2000, tandis que The Ultimate History of Video Games reste jusqu'en début 90. Pour Donovan, dans ton cas, tantôt je te l'avais demandé pour le premier livre, mais pour Donovan, est-ce que justement il y a une partie qui t'a vraiment qui t'a surpris, sur laquelle t'as plus accroché un peu? C'est environ la même chose. Il y a pas c'est les mêmes histoires, c'est juste des anecdotes. Ce qui est intéressant dans Replay qu'on retrouve pas dans The Ultimate History, ce serait les balbutiements des premiers développements de jeux vidéo dans les années 40 et 50. C'est quoi les premiers programmes qui se sont développés sur les méga ordinateurs de l'époque là, du Manhattan Project. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir comment les jeunes étudiants hackaient les ordinateurs des universités pour créer des petits jeux. Et là, c'est là que Space War, là, le petit vaisseau qu'on contrôle, a été créé. Mais ils faisaient aussi des jeux d'échecs, des choses comme ça sur ces méga ordinateurs. Ah, très intéressant. On parlait aussi, on en avait parlé un peu hors d'onde. J'aurais du temps, là, tu voulais aussi nous présenter peut-être un troisième livre qui parle d'Atari, parce qu'Atari, même des fois, c'est un peu plus vieux que moi, j'ai connu les derniers modèles, là, j'ai réussi à jouer un peu, j'avais un ami qui avait certains modèles d'Atari, j'avais réussi à y jouer, mais toi, t'as un livre là aussi qui parle particulièrement d'Atari. En fait, il parle exclusivement d'Atari. C'est vraiment un grand hommage de Nick Mumford et Ian Bogost. C'est Racing the Beam, the Atari Video Computer System, et c'est vraiment l'explication complète de comment fonctionnait cette machine, tous les détails techniques, comment il a été créé, toute l'histoire de cette console-là est contenue dans un petit livre là, d'environ 200 pages. Fort intéressant pour les passionnés là, de cette machine-là. Il explique tout comment ça fonctionnait à l'intérieur, du TTL, les premières versions jusqu'aux dernières versions d'Atari. On parle évidemment là, du 2600 ou jusqu'au 5200. OK, c'est qu'on a ici un ouvrage qui est beaucoup plus technique, là, un peu pour les passionnés, justement, de technologie. On n'aborde pas tant que ça l'histoire d'Atari? Un petit peu par là. C'est autant les deux, donc ça va être vraiment une évolution, autant que comment la machine a évolué dans le temps de Atari, mais c'est vraiment sur cette petite bride d'histoire-là. Et non, c'est pas vraiment sur ce qui se passait autour, là, dans tout le hype qu'il y avait autour d'Atari de l'époque. Excellent. Tu peux nous rappeler le titre de ce dernier livre, Diego? C'est Racing the Beam. Donc, Diego Lamana qui nous parlait de Racing the Beam, un livre qui nous parle d'Atari, qui nous parlait également de Ultimate History of Video Games de Stephen Kent, qui est publié en 2001, et finalement de Replay de Tristan Donovan, édité en 2010. Diego Lamana, je te remercie encore beaucoup pour ta collaboration à Puissance Maximale, et on se revoit la prochaine fois pour une autre excellente chronique. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir, Diego. Et on continue en musique avec une autre excellente chanson, cette fois-ci du groupe Drowning Pool avec la chanson Bodies. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et après cette excellente chanson du groupe Drowning Pool, dont le chanteur est décédé il y a de cela quelques années déjà. Excellente chanson. Et bien, on va continuer en nouvelles ludiques. Et oui, avec votre hôte et Monsieur Andrew Castegan. Et on commence tout de suite avec une excellente nouvelle pour les fans de comic book, avec un jeu sur avec le héros Deadpool, le héros anti-héros, bref, le personnage qui franchit parfois le quatrième mur et qui prend conscience de sa vie dans une bande dessinée et de tout ce qui, toutes les règles qui s'en entourent. Et qui parle des fois avec le narrateur. Oui, totalement. Et on va le retrouver dans un jeu. Il y a un teaser, là, une bande-annonce aguichante, disons, qui nous a été présentée au Comic-Con, parce que c'était la semaine passée, là, Comic-Con à San Diego. Et il y a eu des belles annonces, dont ce jeu-là. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à part la vidéo qui a été présentée. On peut penser peut-être à un style de jeu à la Devil May Cry. Ce serait un personnage avec lequel ça fitterait, en tout cas, pour le genre moi, de jeu. Personnellement, s'ils sont capables de faire un game engine, une histoire intéressante, je crois que Devil May Cry vont perdre beaucoup de fans, parce que vraiment le nouveau Dante fait pas l'unanimité du tout. Puis Deadpool, c'est un des personnages un caractère se rapprochant le plus de Dante. Très là, comique. Justement, dans le vidéo, on l'entend quand il tire, il fait piou, piou, piou, piou. Il arrête pas de faire des bruits niaiseux. Violent, ça, on a vu dans le vidéo. Là, c'est sanglant, il y a du sang. Ça va être gore un peu, il y a du sang. C'est violent, il faut le dire. Là. Mais pour les fans de Deadpool, je pense que, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant, mais comme il n'y a pas vraiment eu de gameplay, une petite bande-annonce comme ça pour que les joueurs soient au courant, finalement, et se préparent à la sortie de ce jeu-là qui va être fait par Activision. Donc, et par le studio High Moon Studios, qui nous a amené les jeux de Transformers, qui sont des très bons jeux d'ailleurs. En tout cas, le premier, moi et Pienron, là, on avait bien aimé un bon shooter à la troisième personne, et Fall of Cybertron, qui a été aussi annoncé, il y a du multiplayer qui a été présenté à San Diego aussi pendant le Comic-Con. J'ai hâte de voir ça également. Bref, les mêmes studios, j'ai hâte de voir. C'est surtout l'esthétique. Moi, j'ai pas été convaincu par l'esthétique dans le trailer, mais bon, on verra bien. Ben, c'est un cel shading, un moteur graphique qui rappelle un peu. Dragon Ball. Marvel vs Capcom. Ouais. Je trouve que c'est un engine qui ressemble un peu à ça, mais plus dark. Ouais. Parce que Street Fighter est très lumineux, là. On verra ce que ça va donner. Mais bref, un jeu de Deadpool qui s'en vient. En fait, je pense, je vais juste vérifier rapidement. Non, il n'y avait pas de date encore annoncée. Mais bref, ça va être l'année prochaine, on nous dit. Et toi, Andrew, tu as aussi une nouvelle pour nous. Oui, tant qu'à être dans les annonces, il y a un jeu qui est quand même relativement attendu venant des studios de Gearbox, le jeu Borderlands 2. Jeu first-person shooter RPG co-op. En fait, c'est un mélange de bien des moteurs de jeu, en fait, qui n'avait pas fait l'unanimité au niveau des fans de première personne, mais reste qu'un jeu qui a eu quand même un bon succès et a mérité sa suite. D'après des tests qui ont été faits chez Gearbox, puis lors d'une interview, ils ont annoncé que la campagne serait approximativement 60 heures. Quand même. Mais ça, on parle uniquement de la campagne solo avec un perso. Parce qu'il y a un autre mode de jeu qui est la coop, parce qu'en fait, quand on commence à jouer, on peut jouer avec 4 persos, donc possibilité de coop à 4 joueurs, et sans compter, dans le fond, toutes les mises à jour et les nombreux ajouts qu'il compte faire d'ici le 21 septembre prochain sur PC, Xbox et PS3. Ça s'en vient vite, 2 mois? 2 mois. En fait, moi, là, de plus en plus, il faut qu'il y ait des jeux co-op de plus en plus, là, des shooters. Là. Tu sais, Battlefield 3, j'ai commencé à jouer, il n'y a pas long. Vous allez dire, je suis en retard, mais j'avais pas la machine pour. Mais je vous dirais, là, ce genre de jeu-là, une bonne campagne co-op, là, longue, là, ça, c'est le fun à jouer. Vraiment plus de missions co-op, le fun, là, des missions qu'on peut lancer comme ça. Des quick games en coop, là, ça c'est le genre de jeu qui manque dans le shooter surtout, là. J'aimerais beaucoup ça, puis il y a de plus en plus de jeux qui vont vers là. Félicitations. Autre nouvelle, écoutez, il y a une série qui s'en vient, une série live pour Halo. Et oui, en fait, les studios 343 Industries qui développent Halo 4 et Microsoft, mais ils ont, justement, on parle encore de Comic-Con parce que c'est quand même une grosse convention. Là, il y a plusieurs annonces qui sont faites là-bas, mais ils ont dévoilé justement un trailer de la série qui va s'appeler Halo 4 ou Halo 4 Forward Unto Dawn. Donc une série live qui va accompagner le jeu à sa sortie au 6 novembre prochain en 5 épisodes de 15 minutes. Qui va être présenté tout d'abord sur le canal de Machinima YouTube et après ça sur le site Halo Waypoint. Puis ceux qui vont acheter le jeu, je pense que c'est-tu la version... Ouais, la version collector de Halo 4, ben va venir avec une version longue de cette série-là, de 90 minutes. J'ai hâte de voir, écoutez... Le trailer a du potentiel, je vous dirais. Puis le costume de Master Chief, il torche. Personnellement, j'ai vu le trailer, puis quand j'ai vu Master Chief apparaître, j'ai fait... OK. C'est Master Chief. C'est Master Chief. Il n'y a pas de doute. Ils ont fait une reproduction relativement fidèle de l'armure. Je trouve peut-être, par exemple, que dans le film, Master Chief a de l'air vraiment énorme là, avec l'armure. Là. Je trouve que versus le jeu, il n'y a pas de l'air si énorme que ça versus un gars normal. Là. Mais il ne peut pas être parfait. Et non. On verra ça quand ça va sortir en novembre prochain. Et une dernière nouvelle rapidement avant de retourner en musique. Le jeu Rock Band Blitz sort en août, donc le 28 août prochain sur PSN et le 29 sur Xbox Live. Une nouvelle toute rapide et ça va être possible de le télécharger à 1200 points Microsoft et environ 15$ pour le PlayStation Network. Un jeu, ben, ça fait longtemps là, qu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux rythmiques là, style justement Rock Band. Ben, je suis mitigé là-dessus parce que j'ai regardé les vidéos. Puis, ça va être. En tout cas, c'est pas traditionnel. Là. Il y a un nouveau gameplay un peu. J'en ai pas besoin d'instruments pour jouer. C'est ça. Bon, bref. 15$, on verra ce que ça va donner. 20 chansons à faire pour 15$, dont il va y en avoir 4 nouvelles. C'est annoncé. Une chanson, en fait, de Avenged Sevenfold, So Far Away. We Are Young, The Fun, featuring Janelle Monáe. Cool in the Gang avec Jungle Boogie. Un classique. Et finalement, My Chemical Romance avec la chanson Sing, qui va être également disponible sur ce jeu-là. Ça s'en vient à la fin du mois d'août. Et parlant chanson, on y va tout de suite en musique avec l'excellente chanson Revendication Monstrueuse du Nahul Band, donc les participants au Donjon de Nahul Buck qui font de la musique également, qui ont sorti un album, un nouvel album il n'y a pas si longtemps. Et vous allez entendre donc Revendication Monstrueuse à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. arrête de dormir et viens défiler ce soir. Avec nos ombrelles noircissons le ciel, dansons dans nos manoirs. Défendons nos droits, mettons hors la loi ces héros illusoires. Brûlons tous ces pieux, jetons dans le feu ces croix et ces miroirs. Il y en a marre de ces bourrins qui massacrent au nom du bien. Même si nos dents sont pointues, on n'aime pas s'éveiller avec un pieu dans le cœur. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Merci Bonhomme, mais on continue à Puissance Maximale avec d'autres nouvelles et on revient avec Halo, mais là on va parler d'Halo 5. Oui, en fait, Halo 5, que le studio 343 Industries a déjà ouvert des postes. Donc si vous êtes intéressé, que vous cherchez un emploi dans le domaine du jeu vidéo et que la seule série qui existe pour vous est Halo, ben vous savez où postuler. En fait, 343 Industries et Microsoft Game Studios sont tellement convaincus que Halo 4 va faire un tabac et un succès incroyable, malgré le fait que c'est leur première aventure dans la série, que sont bons pour faire Halo 5. Ah, mais ça, c'est l'industrie. C'est l'industrie. On suit sur des succès de franchise, même si on... La quatrième, il n'est pas encore sorti, on verra bien. Hein, mais il faut dire que les fanboys de, les fanboys de Halo, c'est les fanboys. Mais il faut pas oublier, Master Chief a fini le combat dans Halo 3, puis un Halo 4. Je sais pas qu'est-ce qu'il va combattre, là, mais... Il va combattre, c'est tout. Il va mettre la merde dans l'industrie, dans l'univers, pour combattre quelque chose. Et oui. Donc, pour les intéressés, envoyez vos CV à Microsoft, il y a 343 Industries. Et autres... Vous direz que c'est nous autres qui vous envoient. Ouais, c'est ça, qu'on ait une cote. Donc, Andrew, autre nouvelle? Oui, en fait... La mode ces temps-ci dans l'industrie du jeu vidéo, c'est offrir à des vieux croutons comme nous. Parle pour moi. Moi, je suis vieux. Des remakes de classiques, dans le fond, de jeux qu'on aime, en essayant de garder, dans le fond, le gameplay classique de l'époque, mais en faisant, dans le fond, un lifting graphique. En fait, ça a été confirmé. Il va bel et bien y avoir un remake de Double Dragon. Oh! Oui. L'original, nommé Double Dragon Néon, disponible sur toutes les plateformes virtuelles, donc plateforme PlayStation Network et Xbox Live Arcade, pour l'instant, qui a été confirmé, devrait être disponible au courant de l'été 2012. Oh, ben l'été est déjà pas mal bien entamé. Ouais, ben c'est à cause que si je me fie au screenshot où je vois le screenshot des deux héros en train de se faire un high five, il est écrit « Summer 2012 ». Donc, ça s'en vient bientôt, j'imagine, hein, parce que l'été, on est pas mal à mi-chemin. Donc, excellente nouvelle pour les amateurs de Beat'em All pour un classique dans Double Dragon Néon qui s'en vient dans vos maisons. Et autre nouvelle, un bundle pour la PS Move, oui, qui s'en vient parce que, écoutez, vous avez un PlayStation, vous n'avez pas fait le saut encore vers un système de reconnaissance de mouvement, vous hésitiez pour la PlayStation Move, ben il y a un bundle qui s'en vient, qui va comprendre... il va avoir donc un PS Move, le contrôleur en lui-même, un PlayStation Eye et des 10 démos de jeux compatibles, ainsi qu'un code pour télécharger Just Dance 3. Ben, tout ça pour la modique somme de 70$. C'est quand même bien, parce que je me rappelle pas c'est quoi le prix du PlayStation Eye, mais... En tout cas, pour les intéressés qui veulent aller vers le PlayStation Move, qui hésitaient, ben Sony essaye de vous attirer dans leur filet avec cette belle offre. Donc voilà, j'ai juste vérifié, je n'ai pas encore, il n'y avait pas de date en fait, c'est niaiseux. Là. J'ai pas vu de date sur la nouvelle que j'ai vue pour nous offrir ce bundle-là. Vérifier, peut-être que c'est déjà en place parce que je pensais pas sauter vers le PlayStation Move, mais j'ai pas vu ça sur les tablettes. Mais regardez ça, soyez à l'affût, chers consommateurs et amateurs de jeux sans bouton finalement. Donc, une autre nouvelle avant qu'on reparte en musique, il y a avec Splinter Cell Blacklist, on a vu des images d'ailleurs au E3, on nous promet des choix moraux beaucoup plus difficiles, parce qu'on sait que dans les RPG habituellement, souvent dans les RPG, dans les shooters, c'est moins fréquent, on a toujours le choix, on nous dit toujours, ça va être difficile de faire des choix, on n'est pas dans le blanc et le noir, le mal et le bien facilement détectable, mais souvent c'est pas vrai, là. Les choix sont assez faciles à faire, si on veut être méchant ou bon. C'est ça, tu veux sauver cette grand-mère qui a plein de petits-enfants et qui est sur le bord de mourir, ou sauver ce cambrioleur qui a assassiné 4 ou 5 enfants mais qui te donne 2 millions de dollars. Décide. Bon, ce genre de choix-là, ben, les gens d'Ubisoft nous promettent autre chose pour Splinter Cell Blacklist. Écoutez, c'est une petite nouvelle comme ça, Nadine, ça n'a rien de fantastique comme nouvelle, mais c'est juste un autre développeur qui nous promet des choix moraux, vraiment des choix à faire dans un jeu, mais ils nous disent que les choix seront pas évidents à faire, ça va plus être du genre choisir le moindre des deux mots, je te dirais que ça va ils vont se rapprocher en fait de qu'est-ce qu'il avait essayé de faire avec Double Agent. T'es dans le fond, tu jouais Sam Fisher infiltré dans une organisation terroriste, puis il te mettait devant des choix des fois où il fallait que tu décides si tu sauvais un coéquipier qui est un personnage hyper important de la série qui est là depuis hyper longtemps, ou de le flinguer dans le fond là. Fait que des fois c'est pas évident, parce que tu te dis, si tu le sauves, ben tu brûles ta couverture, puis tu vas te faire descendre par les terroristes, puis ta mission va être échouée, puis l'organisation elle t'aimera pas. Mais si tu le flingues, ben l'organisation t'aimera pas plus, mais au moins ta couverture elle va être Donc on nous parle de ce genre de choix là. Donc on vous rappelle, la sortie de Splinter Cell Blacklist est prévue pour le 29 mars 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Et on s'en va en musique avant les prochaines nouvelles. On va vous faire écouter The Recruiting Sergeant du groupe Bardic, un petit truc style irlandais là, pour vous faire bouger un peu à la maison, ce retour de travail finalement, ou en mangeant. Prenez un break là, entre deux bouchées, puis allez danser. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. I was walking down the road, a feeling fine and larky, oh. A cute thing sergeant came up to me, says he looked fine and khaki, oh. For the king is in need of man, come read his proclamation now. A life in Flanders for you then would be a fine vocation now. That may be so, says I to him, I tell him it's sergeant dearie, oh. If I had a patch to cover my back, would I look fine and cheery, oh. But then if you train until I had you on a French's, so it's maybe warm in Flanders, let's drop you in the trenches, so wow. He smiled, I'm most provoking, oh. It's ever than tall, this real massage, says he, I know you're joking, oh. But the sandbags are so warm and high, the wind you won't be blowing, oh. I winked at the column that passed by, says I, what if it's snowing, oh. Wow. Going out of Flanders, so there's fighting in Dublin too. Be done in the sauce when you're a commander school. That Englishman fighting this Ross is nearly time they started. Oh, since it's a sergeant, a very good night, and there and then we parted. Oh, wow. êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale, d'ailleurs, Franck Pithiot, qui joue Perceval dans la série Kaamelott. Il a fait une excellente entrevue avec lui, c'était très plaisant. Vous pouvez aller chercher ça sur notre site www.puissancemaximale.com. Et Andrew, deux petites nouvelles rapides, une sur Little Big Planet et l'autre sur les Sims 3. Oui, en fait, Little Big Planet Karting, qui est un peu le rip-off, mettez les guillemets, de Mario Kart. Mario Kart, parce que c'est vraiment très semblable. En fait, si vous êtes membre du service PlayStation Plus, je vous annonce que vous êtes éligible à partir de maintenant à aller chercher le client pour participer à la bêta. Donc, ça vous tente d'essayer ce jeu, si vous êtes membre PlayStation Plus, vous vous dites « Ah, j'ai le goût d'un petit jeu de karting party, là, puis tester ça comme du monde », ben, vous voilà servi. Excellent. Et autre nouvelle, cette fois sur une expansion de Sims 3? Oui, en fait, petite nouvelle rapide, parce que ça donne que ces temps-ci, je joue à ce jeu quand que j'ai du temps à perdre. Pour tous les fans des Sims 3, une nouvelle expansion a été confirmée pour le mois de septembre de cette année. Les Sims 3 Super Pouvoir, qui peut rappeler dans le fond, ou Supernatural, si vous avez le jeu en anglais. Dans le fond, qui rappelle un peu l'expansion qu'il avait été fait sur les Sims 1, qui était les Sims 1 Making Magic, qui va rajouter, dans le fond, magicien, fée, loup-garou dans l'univers des Sims. Et un élément que j'ai aucune idée comment ça va jouer, mais que ça a de l'air, à ma foi, très cocasse, des zombies! Oh yes! Parce que sachons que les zombies est le nouveau Twilight des jeux vidéo. Tout bon jeu prend des zombies ces temps-ci. Et je fais la référence parce que c'est le terme utilisé. C'est pas parce que j'aime Twilight, là, mais le nouveau phénomène. Le nouveau phénomène. Et si vous voulez acheter le jeu en version collectionneur, précommande sur Origin, vous aurez du contenu exclusif Plants vs. Zombies, qui, dans le fond, rajouterait le fameux plan P-Shooter, le genre de plan qui tire des fives sur les zombies pour protéger votre terrain, vos sims de l'invasion de zombies. Et le seul problème de tout ça, c'est que c'est sur Origin. Mais bon, donc on continue avec une nouvelle, on va continuer avec une nouvelle sur laquelle on a parlé la semaine dernière, qui parlait de la nouvelle console Ouya, un projet qui est sur le site Kickstarter, donc une console basée sur le système d'exploitation Android 4 et qui nous promet du contenu free-to-play, donc gratuit pour y jouer. Et là, ils demandaient 950 000 $ pour un 30 jours de Kickstarter. Et là, déjà la semaine passée, après seulement 48 heures, même pas, 4 millions, là, après une semaine, on est au-delà du 5 millions. Très beau succès. Il y a des updates là, qui sont arrivés sur le site aussi. En fait, là, on est rendu exactement, je viens de le rafraîchir, à 5 179 965 $. Il reste 20 jours, mesdames et messieurs. Et on est rendu à 40 562 backers, donc des personnes ayant mis dans le pot. Excellent. Et il y a eu des annonces, justement, dont une exclusivité, un jeu exclusif, un prequel d'un jeu. Oui, en fait, grosse annonce, c'est surprenant d'ailleurs. Robert Bowling, un des anciens membres de l'équipe Infinity Ward, ayant travaillé sur Call of Duty Modern Warfare, c'est parti à un studio indépendant qui s'appelle Robotoki et travaille présentement sur un jeu très très attendu pour 2015 du nom de Human Element, un jeu post-zombie apocalyptique co-op un peu à la Left 4 Dead mais avec une histoire plus développée. Et dans le fond, il a annoncé que le prequel, donc dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé 25 ans avant l'incident traité dans Human Element, allait être une exclusivité Ouya. Et en fait, Robert Bowling s'affiche d'ailleurs comme étant un des fervents supporters de la nouvelle console Ouya. En fait, il se vante lui-même et l'équipe Ouya l'a confirmé. Il a investi, il est une des personnes à avoir investi 10 000 $ de ses poches et non pas l'argent du studio, vraiment son argent personnel. C'était le premier, je pense, à le faire. Ça a été le premier, en fait, à mettre le 10 000 $ pour dire oui, allez-y, je vous encourage avec le projet. Et c'est sa façon à lui de dire que la Ouya a du potentiel, donc à surveiller. Effectivement, et on continue. Et suivez ça sur Kickstarter. Écoutez, ça vaut la peine. 100$ pour une petite machine là, de jeu indépendant. Ça vaut la peine d'aller regarder ça sur le site de Kickstarter. Et d'autres nouvelles rapides. Il va y avoir un remake des premiers Yakuza qui a été confirmé, des remakes HD pour la PlayStation 3 qui s'en vient. En fait, le Yakuza 1 et 2 qui était sur PlayStation 2 à l'époque. Excellent jeu. Oui, c'est une excellente franchise. Un petit peu mollo, par exemple. Si vous voulez un jeu qui tombe direct dans l'action, c'est peut-être pas l'idéal, mais l'histoire est très, très, très intéressante. Ouais, c'est ça. C'est pas pour y avoir joué. C'est pas de l'action mur à mur, mais vraiment intéressant. Il y a un peu de tout. On n'est pas obligé de faire tout non plus, là. Mais il y a vraiment... on s'occupe de bars de courtisanes, on prête de l'argent, on tape sur du monde. Il y a plein de trucs à faire dans ce jeu-là. C'est vraiment une belle franchise avec une histoire vraiment intéressante. Mais ça s'en vient prochainement. Évidemment, au Japon, on n'a pas de confirmation. Par exemple, que ça s'en vient en Amérique du Nord. Ce genre de franchise-là, c'est toujours plus difficile de le savoir parce que c'est pas habituellement les plus gros succès ici en Amérique du Nord. Les franchises japonaises, typiquement japonaises comme ça, on n'a qu'à penser aux franchises de Gundam et Dragon Ball. Ce genre de jeux-là, c'est plus difficile un peu à vendre. Mais j'espère, en tout cas pour les fans, parce que c'est vraiment des excellents jeux. Yakuza 1 et 2, là, ça s'en vient donc sur votre PlayStation 3, peut-être en Amérique du Nord. On vous le souhaite. Autre nouvelle vraiment intéressante, en tout cas, moi, je l'ai appris en même temps, c'est que Sam Raimi, donc le réalisateur qui avait fait la première trilogie de Spider-Man et aussi, à l'époque, l'Opéra de la Terreur et L'Armée des Ténèbres, des excellents films, eh bien, ça a l'air qu'il était dû pour réaliser le film World of Warcraft. En fait, j'ai appris hier qu'il y avait un film World of Warcraft qui s'en venait, ben finalement, ce sera pas Sam Raimi qui va réaliser ce jeu-là, malheureusement. Film. Sam Raimi, qui est un bon réalisateur, qui a fait du beau travail pour, en tout cas, les deux premiers Spider-Man. On parlera pas du troisième. Mais qui devait réaliser le film de World of Warcraft. Mais là, finalement, c'est purement pour des questions d'horaire, parce qu'il a accepté de réaliser un autre film aussi. C'est le film Le Monde Fantastique d'Oz. Et donc, à cause de ça, ça crée des problèmes. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Ça a vraiment de l'air bon. Mais ça va créer des problèmes. Il ne pourra pas réaliser World of Warcraft. Et il n'y a pas de réalisateur qui a été nommé encore. Mais le film va de l'avant. Il faut dire que si on se passe vraiment juste sur le jeu World of Warcraft, en tout cas, je pense pas aller voir le film. Moi, mais l'univers de Warcraft est intéressant. J'ai lu des romans, là, puis... Ben, c'est ça. Moi, personnellement, me dire voir un film où on voit un personnage principal se promener pendant 20 heures de temps à parler à du monde pour dire « Va tuer 42 monstres! » J'avoue que ça devrait pas être intéressant. on va espérer qu'ils vont se baser sur l'univers général de Warcraft parce que c'est vraiment intéressant. J'ai lu des romans, comme j'ai dit tantôt, là. Ça vaut la peine. J'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant, mais... J'espère que ça va être meilleur que Doom. Et que Donjons et Dragons. Les Donjons et Dragons. On s'en, c'est loin, mais on s'en rappelle quand même. J'ai comme eu un frisson dans la colonne. C'était un jeu très, très, très mauvais. Film. Effectivement. Il y a certains jeux de Donjons et Dragons qui sont pas intéressants, mais bon, on s'étendra pas là-dessus. Autre nouvelle, rapidement, un nouveau smartphone pour les joueurs, et oui, une compagnie chinoise du nom de ZTE qui fabriquait aussi pour d'autres compagnies, qui est maintenant sur le marché... pour eux-mêmes, qui font leur propre téléphone. Donc, qui a annoncé un téléphone le plus avancé des téléphones, en fait, pour les joueurs. C'est depuis 2 ans même qu'ils nous proposent des produits milieu de gamme, là, avec des bons tarifs, là, pour les smartphones. Mais c'est ça, il y a une annonce qui a été faite, cette semaine par rapport à un téléphone qui s'en viendrait. J'ai hâte de voir ça parce que moi, personnellement, j'ai le Xperia Play de Sony Ericsson. Belle petite machine, je trouve que le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Ça, je l'ai déjà dit, mais... Ça a peut-être changé avec la Wii U. Peut-être, on ne sait pas. T'intéresse Android? Oui, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Parce que je pense bien qu'il y a un marché pour les joueurs, là, parce qu'il y a déjà plein de jeux qui sont disponibles sur smartphone. Ce genre, avec une manette, c'est vraiment le fun. C'est juste le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu intéressant à faire. Il n'y a pas une grosse bibliothèque de jeux. Donc, il y a quand même un avenir pour ça. Et finalement, dernière nouvelle avant, une dernière chanson. Battlefield 4 a été confirmé pour une bêta. Et oui, déjà apparu sur Origin, qui est la boutique en ligne d'Electronic Arts. Ben, l'éditeur confirme bel et bien l'existence de la Battlefield 4. On apprend ça par communiqué. Puis là, on nous dit que les personnes qui vont précommander avant le 25 octobre le jeu Medal of Honor Warfighter vont avoir un accès anticipé participer à la bêta de Battlefield 4. Mais ça, cette bêta-là, ça va juste avoir lieu en automne 2013. Donc, on a le temps encore de jouer à notre Battlefield 3 et de s'écœurer avant d'arriver à Battlefield 4. Et on termine l'émission avec une excellente chanson. Vous remarquerez que toutes les chansons donc, qu'on vous propose sont excellentes. Je le dis à chaque fois. Et du groupe Queen avec Crazy Little Thing Called Love. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Désolé Freddy de te couper si rapidement, mais c'est déjà la fin de Puissance Maximale, une autre grosse émission de passé. Et oui, on remercie M. Diego Lamana qui était avec nous au début de l'émission pour nous parler de livres geeks sur l'histoire des jeux vidéo. Je remercie M. Andrew Castegan à la console et à la chronique, comme à l'habitude. Merci Andrew. Fait toujours un plaisir. Un plaisir. Un plaisir. Et mon nom, moi, c'est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là à chaque semaine. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez trouver toutes nos émissions. Et également notre Facebook, Puissance Maximale, dans la barre de recherche. Vous nous trouvez très facilement. Allez sur le site de ckiafm.org pour chercher vos cartes de membres ou écouter toutes les émissions de la programmation de CKIA en direct, directement sur le site. Et on vous laisse avec l'émission La Bande Originale avec M. Benoît Quentin pour de la musique de film. Une excellente émission. Je vous invite à rester à l'écoute. Et aussi, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we die.